الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البارحة بدأنا في دراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ورحم الله علماءنا جميعا. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, nous avons commencé l'étude du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, du grand savant, le revivificateur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. Donc l'auteur a appelé son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Puis a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah dit: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À chaque fois qu'on dira Allah dit et on parlera en français, cela fera référence à une traduction approchée. Car la parole d'Allah Azza wa Jal par le Coran est bien évidemment en arabe. Donc à chaque fois que je dirai Allah dit, puis je citerai la traduction, c'est le sens rapproché, d'accord, la traduction du Coran. On peut dire Kitab al-Tawhid wa Qawlullah, ou bien Kitab al-Tawhid wa Qawlillah. Donc le mot Qawl, on peut le mettre marfou' et on peut le mettre مجرور. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. العبادة لغة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد. وشرعا قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. L'adoration dans la langue arabe signifie l'humiliation et le rabaissement. Les Arabes disent par exemple que ce chemin est mu'abbad. Pourquoi est-ce qu'ils ont qualifié le chemin par ce mot-là? car à force qu'on marche dessus, il est rabaissé, humilié. Et dans la religion, l'adoration a été définie par Ibn Taymiyyah comme étant un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى عن الحكمة من الخلق من خلق الإنس والجن ما خلقهم إلا للعبادة وهذه الآية فيها حصر وما هنا نافية مع الاستثناء إلا يفيد الحصر أي ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا لهذه الحكمة وهي العبادة. Dans ce verset, il y a une figure de style qui nous indique l'exclusivité de ce qui est cité ici. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns pour une seule sagesse, afin qu'ils concrétisent une seule chose, laquelle ? Le fait de l'adorer. Le fait de l'adorer. Wa munasabatul ayah في كتاب التوحيد أو لهذا الباب على قول أن في هذه الآية بيان لحكمة الخلق وهذه الحكمة التوحيد وجه ذلك تفسير السلف للعبادة بالتوحيد كما ذكرنا ذلك البارحة عن ابن عباس رضي الله عنه. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre Kitab al-Tawhid? Car dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la sagesse pour laquelle il nous a créé, qui n'est autre que concrétiser al-Tawhid. Illa liya'budun ay yuwahidun. Et on a expliqué que le mot adoration ici a pour sens l'unicité. Dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous appelle à l'adorer, il nous appelle à l'unifier, à l'adorer seul d'un culte sincère. Aydan, dallat al-aya على وجوب التوحيد. Aussi, ce verset indique le caractère obligatoire de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'unifier Allah, de l'adorer d'un culte sincère. D'où est-ce que nous avons tiré cela? Car Allah nous a créé que pour cela. Donc nous avons l'obligation de réaliser ce pourquoi nous avons été créés, donc l'adorer d'un culte sincère, ce qu'on appelle at-tawhid. Amma ma yustafadu min al-aya, ce qu'on tire du verset, les fawa'id, bayanul hikmati min khalqil insi wal jinn. Premièrement, la sagesse pour laquelle l'ensemble des djinns et l'ensemble des humains ont été créés. Adorer Allah d'un culte sincère. فَعَلَى اللَّهُ الْأَوَّلِ خَلَقَنَا لِنَفْعَلَ الثَّانِي لِنَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ. Allah a fait la première chose citée dans le verset, c'est-à-dire qu'il nous a créés. Pourquoi ? Afin que nous fassions la deuxième chose citée dans le verset, c'est-à-dire l'adorer. Donc de ce verset, on tire la sagesse pour laquelle nous avons tous été créés. Voici une grande science qui est ignorée de la plupart des créatures. Fi hadhihi al-aya wujub ifrad Allah bil ibada. Parmi la science qu'on tire de ce verset, l'obligation d'unifier Allah dans l'adoration, dans le culte. Nous avons l'obligation d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Al-mustahiq lil-ibadah wa al-khaliq wahdahu la sharika. De ce verset, on tire également que le seul à mériter entièrement l'adoration est le Créateur. Et le Créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا رد على المشركين. Et dans cela, il y a une réfutation aux associateurs. Car ils reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, mais ils adorent avec lui autre que lui. في هذه الآية إثبات تعليل أفعال الله. De ce verset, on tire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait pour une sagesse. Pour une sagesse. Et certains savants ont appelé le lam dans illa liya'budun lam al-hikmah. Lam al-hikmah, lam de la sagesse. Nastafidu aydan anna al-jinna mukallafun. On tire également de ce verset que les djinns sont responsables, tout comme les humains sont responsables. هم مكلفون بالجملة أو في الجملة باتفاق أهل العلم. Ils sont responsables et sur cela il n'y a pas de divergence. Ensuite, est-ce qu'ils sont, ils ont les mêmes ordres et les mêmes interdits que nous? Dans cela, les savants ont divergé. Voici pour le premier verset. Donc, ce verset nous enseigne la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. L'unifier, l'adorer d'un culte sincère. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit, et nous avons envoyé pour chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Al-umma, fi kulli ummatin, umma, hadi lafza, ja'at fil Qur'an, wa laha iddatu ma'ani. Le mot umma est cité dans le Qur'an et a plusieurs sens dans le Qur'an. A plusieurs sens dans le Coran. وَهُنَا الْمُرَادِ الطَّائِفَ مِنَ النَّاسِ. Ce qui est voulu dans ce verset, c'est la communauté, un groupe de gens. Un groupe de gens. وَالْقَرْنِ أَوْ الْجِيلِ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أي طائفة من الناس والقرن أو الجيل رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا أي اتركوا وابتعدوا. اجتنبوا الطاغوت c'est-à-dire délaisser الطاغوت et s'en éloigner. Et ici on a cité le mot s'éloigner, car c'est plus fort que le fait de délaisser. Dans le fait de t'éloigner, tu délaisses et tu fais encore plus. فَهُوَ أَبْلَغْ مِنَ التَّرْكِ. Donc tu ne fais pas, tu ne commets pas cette chose-là. Et en plus de cela, tu t'éloignes des causes et des chemins y menant. Wattarut luratan minat turyan mujawazatul had. قال الله إنا لما طغى الماء الله عز وجل أسيتلو مطغى pour l'eau dans sourate Nuh والحقة plutôt نعم الحقة وشرعا عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ibn al-Qayyim nous dit que Tarut est tout ce dans quoi le serviteur dépasse les limites, que ce soit dans l'adoration, dans le suivi ou dans l'obéissance. Que ce soit dans l'adoration, dans le suivi ou dans l'obéissance. المعنى الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل في كل أو إلى كل طائفة من الناس رسولا يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك. Dans ce verset, donc le sens général du verset, et qu'ici Allah nous informe qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager afin d'appeler son peuple et de leur dire « Allah vous ordonne de l'adorer seul d'un culte sincère et de délaisser toute forme de polythéisme. » Donc depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes se sont succédés et se sont rendus dans leur communauté pour dire aux gens « Adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adorant en dehors de lui. » En d'autres termes, unifiez-le d'un culte sincère. Et ceci est « At-Tawhid ». إذن مناسبة الآية للباب أو للكتاب بعد أن بيّن بالآية السابقة الحكمة من خلق الإنس والجن ذكر المؤلف هذه الآية لأنها تدل على أن الحكمة من إرسال الرسل جميعهم دعوة الناس إلى التوحيد دعوة الناس إلى التوحيد. Donc l'auteur a cité ce verset dans son livre, car dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne que la sagesse de l'envoi de l'ensemble des messagers n'est autre qu'appeler les gens tawhid. Donc dans le premier verset, on nous a enseigné quoi? Qu'on a été créé pour le tawhid. Et dans le second verset, on nous enseigne que la sagesse de l'envoi de l'ensemble des messagers est d'appeler les gens à quoi? Au tawhid. إذن التوحيد واجب donc التوحيد adore الله عز وجل d'un culte sincère est la plus grande obligation. Dans ce verset il y a aussi l'explication du توحيد. Le توحيد se compose d'une partie négative et d'une partie affirmative. أن يعبد الله, c'est la partie affirmative. واجتنب الطاغوت, la partie négative. التوحيد se concrétise avec ces deux parties. Une négation et une affirmation. La négation, c'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et la partie affirmative affirmait que le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah. Donc dans ce verset, en plus d'avoir la sagesse de l'envoi des messagers, il y a aussi l'explication du tawhid. Voici pourquoi l'auteur a mis donc ce verset dans Kitab al-Tawhid. Ma yustafadu min al-aya, ce que nous pouvons tirer du verset. Al-hikmatu min irsal ar-rusul ila aqwamihim da'watuhum ila tawhidillah. La sagesse de l'envoi des messagers à leur peuple et le fait de les appeler au tawhid. Dinul anbiya'i wahidun. On tire de ce verset que la religion des prophètes est la même, qu'ils ont tous la même base, la bonne croyance. La ilaha illallah. Ikhlasu ad-dinillah wa tarku ash-shirk. Tous les prophètes sont venus avec cette même base. Adorer Allah d'un culte sincère, se désavouer, s'éloigner du polythéisme. Donc leurs législations sont différentes, mais la base est la même. Et dans le hadith, نَحْنُ الْأَنْبِيَا أَوْلَادُ عَلَّاتٍ دِينُنَا وَاحِدٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous les prophètes, puis il dit le mot أَوْلَادُ عَلَّاتٍ. C'est une expression, si on l'expliquerait, c'est une expression où cette phrase fait référence aux animaux ou bien aux gens qui ont la même mère, mais n'ont pas le même père. Qui ont la même mère, mais n'ont pas le même père. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Qu'ils ont la même base, qui est la croyance authentique et le tawhid, mais n'ont pas forcément la même législation. Il se peut qu'une chose soit halal dans telle communauté et haram dans telle autre. Awlad ou allat, c'est plutôt avoir le même père et des mères différentes. C'est plutôt avoir le même père mais des mères différentes. Wadah? Naam. Abun wahid wa ummahat shatta. Nastafid min hadhihi al-aya anna ar-risalata 'ammat jami' al-umam. On tire de ce verset que toute communauté a reçu le message. وَقَامَتْ عَلَيْهَا الْحُجَّةِ. Et que personne n'a d'excuse. Personne ne pourra prétexter une excuse يَوْمَ الْقِيَامَةِ et dire que je ne savais pas. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ أو بِالْنَعَمْ فِي الْجُمْلَةِ. Donc là, ceci est la base. Ceci est la base. Ensuite, une personne peut ignorer la religion ou des parties de la religion du fait qu'elle vive dans un endroit retiré. Ceci est une autre mas'ala. Nastafid fi hadhihi al-aya 'idham sha'n at-tawhid. De ce verset, on tire la grandeur du tawhid, l'immensité du tawhid. Et la grande valeur du tawhid, pourquoi? Car c'est la chose avec laquelle tous les messagers sont venus. Les messagers sont les meilleurs des gens. Et ils viennent avec la meilleure parole. Et ils ont comme parole commune, at-tawhid. Donc c'est l'obligation la plus générale qui touche les gens, at-tawhid. Fi hadhihi al-aya ma'na la ilaha illallah. De ce verset on tire l'explication ou le sens de la ilaha illallah. Ani'budullah, ça rejoint illallah. Wajtanibu at-tagut, c'est la même chose que la ilaha. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adoré, si ce n'est Allah. Ben dans ce verset, il y a le sens de la ilaha illallah. Ani'budullah, c'est la partie affirmative. Wajtanibut tagut est la partie négative. Donc il faut forcément une partie négative et une partie affirmative. Celui qui adore Allah, mais adore avec autre que lui, est-ce qu'il aura mis en pratique le tawhid ou pas? Non. Il sera plutôt mushrik, polythéiste. Et celui qui n'adore pas Allah, est-ce qu'il aura mis en pratique le tawhid? Non. Il sera plutôt mulhid, athée. Donc ne sera sauvé que celui qui aura uni entre les deux parties. Il s'est éloigné de l'adoration de tout autre que Allah et a adoré Allah uniquement et cela d'un culte sincère. Voici le sens du tawhid. Voici le sens de la ilaha illallah. De ce verset, on tire la sagesse pour laquelle on a envoyé l'ensemble des prophètes. Et les savants ont cité les sagesses de l'envoi des prophètes. Premièrement, faire connaître Allah à ses serviteurs. At-tawhid, avec at-tawhid. Donc la première sagesse, c'est ce qu'on vient de citer. At-tawhid. Ils viennent voir leur peuple et leur enseignent qui est Allah. Et leur apprennent qu'ils doivent l'adorer uniquement et cela d'un culte sincère. La deuxième sagesse, iqamatul hujja wa qat'u al-'udhr 'anhum. Deuxièmement, pour qu'il ne subsiste plus d'excuses dans les peuples, pour que personne ne puisse dire yawm al-qiyamah je ne savais pas, le message ne m'est pas parvenu. Allah dit à cet effet, rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة أو على الله حجة بعد الرسل. Dans sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs afin que personne ne puisse avoir d'excuses auprès d'Allah après l'envoi des messagers. Une autre sagesse, ar-rahma, c'est une miséricorde pour les gens. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit en Coran, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Dans Surat Al-Anbiya. Et les prophètes nous enseignent le chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset cité par l'auteur, وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bonté envers vos parents. Ainsi que la bonté envers vos parents. C'est-à-dire qu'Allah a aussi décrété que vous soyez bienfaisants envers vos parents. Qada, ay amar, wa wassa. Décrété, c'est-à-dire qu'il nous a ordonné. Nous a ordonné. Wal murad bil qada huna, al qada u shar'i. لأن القضاء والأمر ينقسم إلى قسمين الشرعي والكوني. Ce qui est voulu par le décret dans ce verset, c'est le décret religieux et non pas le décret universel. Le décret universel englobe tout ce qui se réalise, tout ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin. Allah peut aimer cette chose tout comme il peut ne pas aimer cette chose. Alors que le décret religieux comprend que ce qu'Allah aime. Le décret religieux comprend que ce qu'Allah aime. إذن القضاء الشرعي يستلزم المحبة لا الوقوع والقضاء الكوني يستلزم الوقوع لا المحبة. Donc pour bien distinguer les deux, retiens que le décret religieux est forcément aimé par Allah, mais ne se réalise pas forcément. Alors que le décret universel, le destin, se réalise forcément, mais n'est pas forcément aimé par Allah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété at-tawhid, a décrété la prière. De quel décret il s'agit ? Naam, le décret religieux. Est-ce que tout le monde unifie Allah ? Est-ce que tout le monde fait la salat ? Non. Donc on ne peut pas dire que c'est le décret universel. Un autre exemple, les péchés. Est-ce que ça entre dans le décret religieux ou dans le décret universel ? Le décret universel, pourquoi ? Car Allah n'aime pas la désobéissance. Allah n'aime pas la désobéissance. وَقَضَى رَبُّكَ الرَّبُّ وَالْمَلِكُ السَّيِّدُ الْمُتَصَرِّفُ وَالَّذِي رَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. الرَّبُّ, le Seigneur, c'est le maître absolu, celui qui a éduqué ses serviteurs en leur octroyant de ses bienfaits. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il a décrété religieusement et nous a ordonné qu'on n'adore que lui. Qu'on adore que lui. Tout comme il a décrété, ordonné qu'on soit bienfaisant envers nos parents, c'est-à-dire le père et la mère. Et ça peut peut-être englober les grands-parents. Car dans les textes, on dit père et mère pour ton père et ta mère, mais aussi pour ceux qui sont au-dessus, comme les grands-parents et autres. قال الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. En parlant dans ce... Yani Allah nous dit, en citant l'histoire de Youssouf. Donc Youssouf dit, dans le verset qu'Allah Azza wa Jal nous cite, « Et j'ai suivi la voie de mes pères. » Qui est le père de Youssouf ? Ya'qub alayhi salam. Et Youssouf commence et dit « Ibrahim. » Alors qu'Ibrahim est un des ancêtres. Ça ? Donc de cela on tire qu'on peut dire père, même pour ceux qui sont au-dessus du père, comme le grand-père et les arrière-grands-parents. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wulida lil-layla ghulam wa sammaytu mithla abi Ibrahim. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « On m'a accordé un enfant cette nuit. » Je l'ai appelé comme mon père, Ibrahim. Comment s'appelle le père direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. Mais dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus d'Ismaïl, il y a qui? Ibrahim alayhi salam. Donc il l'a appelé mon père. Est-ce que c'est clair? بارك الله فيكم. مناسبة الآية للباب. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre Kitab al-Tawhid? لأن في الآية تفسير التوحيد أو تفسير التوحيد وبيانه. Donc dans ce verset, il y a l'explication et la démonstration du tawhid avec la négation et l'affirmation. Allah, ah, c'est la négation. Allah ta'abudu illa iya. Ça c'est l'affirmation. Donc il y a une négation, puis une exception. Tout comme dans le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » La négation et ensuite l'exception « مِنْ أَقْوَى أَصَالِبْ الْحَصْرْ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ الْبَلَغِيِّينَ » Donc cela nous indique la plus forte forme d'exclusivité. Donc Allah est le seul qui mérite d'être adoré. وفي هذه الآية بيان على أن التوحيد آكد الواجبات أو آكد الحقوق. Dans ce verset, on tire également, ou il y a également une information très importante, qui est que le tawhid est le droit le plus important qu'Allah Azza wa Jal a sur nous, et l'obligation la plus forte. أوجب الواجبات وآكد الحقوق لأن في هذه الآية ذكر الله عدة واجبات وبدأ بالتوحيد. Pourquoi cela? Car dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité un ensemble d'ordres. Il a commencé par quoi? Par le tawhid. Et lorsque tu commences par une chose, c'est que c'est la chose la plus importante. Dans ce verset, dans cette suite, Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans ce contexte, Allah azza wa jal a cité 18 choses. Et il, yani, iftataha bit tawhid wa akhtatama bin nahi ani shirk. Allah azza wa jal, dans ce passage du Coran, a cité 18 choses. Il a commencé par l'ordre du tawhid et a fini par l'interdiction du shirk, subhanallah. Ça nous montre quoi? Que la chose la plus importante, c'est le tawhid. Et la pire chose est ce qui contredit le tawhid, le shirk billah. قال الله في نهاية ذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. À la fin, Allah nous dit: et n'assigne pas à Allah des associés. ففي هذا نستفيد أن التوحيد أول الواجبات وأول الأوامر ومنتهاها. Donc de cela on tire que le tawhid est la première obligation et la dernière des obligations. Le début du chemin et la fin de ce chemin. فالأمر كله راجع إلى التوحيد. Donc cette affaire, cette religion tout entière revient au tawhid. Repose sur le tawhid. Commence par le tawhid. Finit par le tawhid. Et celui qui regarde et étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde et étudie le Coran, s'apercevra de cela. Ma yustafad min al-aya, ziyadatan ala ma dhakarna, al-tawhid yatakawwan min nafyin wa ithbat. On tire de ce verset que le tawhid se compose de la négation et de l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah et l'affirmation que seul Allah mérite l'adoration. نستفيد من هذه الآية عظم حق الوالدين. On tire de ce verset la grande importance du droit des parents. La valorisation des parents dans l'islam. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité à côté de l'ordre le plus important, l'ordre de la bienfaisance envers les parents. Et cela a été fait dans le Coran plusieurs fois. Cela a été fait dans le Coran plusieurs fois, c'est-à-dire de mettre à côté du droit d'Allah Azza wa Jal qui est Tawhid, le droit des parents. Donc, un des droits les plus importants duquel nous devons nous acquitter et auquel nous devons accorder la plus grande importance, le droit des parents et la bienfaisance envers les parents. Que tu sois doux envers eux et respectueux, que tu leur témoignes l'amour qu'ils méritent, que tu sois à leur service et que tu sois de bonne compagnie. On tire aussi de ce verset que l'obligation envers eux n'est pas de ne pas leur faire de mal. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Mais d'être bienfaisant envers eux. C'est encore plus ce qui est demandé. Une autre faïda, quelle bienfaisance t'est demandée? Toute forme de bienfaisance. Pourquoi? Car le mot cité est indéterminé. Afin que ça englobe toutes les bienfaisances, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec le comportement, que ce soit avec des paroles douces, et j'en passe, avec des doigts, ne serait-ce que ta compagnie. De ce verset on tire, tahrim uquq al-walidayn, l'interdiction de la désobéissance envers les parents. Et de toute nuisance à l'égard des parents. نسأل الله الإعانة والتوفيق على تحقيق التوحيد ثم بر الوالدين. Qu'Allah nous accorde la réussite dans la concrétisation de son unicité puis la mise en pratique de l'ordre de la bienfaisance envers les parents. Combien sont les parents qui se plaignent de leurs enfants? إن لله وإن إليه راجعون. والله, régulièrement des parents viennent pour se plaindre de leurs enfants à la mosquée. Et peut-être d'enfants qui fréquentent la mosquée. Wallahu al-musta'an. Pas plus tard qu'hier soir, un père est venu pour me dire, fais un rappel, même si tu l'as fait plein de fois, régulièrement, fais un rappel sur les parents. Subhanallah. Allah al-musta'an. As-salah al-i'ana. Dans ce verset, on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qada rabbuka. Ton Seigneur a décrété. Mais en réalité, l'ordre vaut pour lui et pour sa communauté. Vaut pour lui et pour sa communauté. Et on s'est adressé à lui en premier lieu, car c'est le responsable et c'est le guide de cette communauté, comme l'a dit Ibn Athaymin rahimahullahu ta'ala. On commence à s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on s'adresse à l'ensemble, pour celui qui fait attention et lit ces versets avec méditation. Il y a parmi les sagesses le fait d'attirer notre attention et qu'on soit bien concentré. Car on passe d'une manière de parler à une autre, d'un uslub à un autre. Et dans ce verset, il y a une information très subtile. Et une réfutation à ceux qui adorent les prophètes. في هذه الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب فلا يعبد. Dans ce verset, on nous montre que le prophète صلى الله عليه وسلم est une créature et un seigneur. Il n'est donc pas apte à recevoir l'adoration. Car celui qui mérite l'adoration est qui ? Le créateur. Et Allah s'adresse à son prophète et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa qada rabbuka, ton seigneur. Fa subhanallah, ma akthara dala'il ala tawhid fi kitab illahi azza wa jal. Comme sont nombreuses les formes qui nous indiquent et les figures de style qui nous montrent dans le Coran qu'Allah azza wa jal est seul à mériter entièrement toute l'adoration. Le verset suivant. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah dit et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ce verset est clair. إذن في هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يوحدوا وينهاهم عن الشرك بجميع أنواعه لا ملك مقرب ولا بملك مقرب ولا بنبي مرسل. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de l'adorer seul d'un culte sincère et de s'éloigner de toute forme de polythéisme. Que ce soit le grand polythéisme, celui qui fait sortir l'islam, de l'islam, pardon, ou le petit polythéisme, le polythéisme mineur, celui qui diminue la perfection du tawhid obligatoire. Allah nous interdit également le polythéisme, que ce soit en vouant une adoration le culte à un ange, ou à un prophète, ou à une pierre, ou à un arbre, et à toute chose. لِأَنَّ فِعْلَ تُشْرِكُ يَتَضَمَّنْ مَصْدَرْ يتضمن مصدرا يعني الفعل يتضمن شيئين الحدث والزمن والحدث هذا هو المصدر والمصدر نكرة والآية أو الفعل سبقه لا الناهية والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط يعم. إذن في الآية نهي عنه عموم الشرك كبيره وصغيره ثم شيئا نكر أيضا فيعم كلما عبد من دون الله. Donc de ce verset on voit qu'Allah Azza wa Jal a interdit le shirk sous toutes ses formes, le grand et le petit. Car dans le verbe, il y a l'action. Et cette action est générale. Donc on t'interdit le shirk sous toutes ses formes. Et le mot shay'an est indéterminé. Donc on t'interdit de donner un associé à Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit. Quand bien même cet associé serait un ange ou un prophète, tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Ni un prophète, ni un ange, ni une pierre, ni un arbre, ni un saint. Et toute autre chose que tu pourrais imaginer. Munasabatul aya lilbab tafsir al-tawhid. وعظم أمر الأمر بالتوحيد حيث بدأ الله به. Donc l'auteur a cité ce verset dans son livre, car dans ce verset, on nous ordonne at-tawhid, on nous explique at-tawhid, et on nous montre que c'est l'ordre le plus important. Car ici, Allah Azza wa Jal, dans ce passage, a cité plusieurs choses. Il a commencé par at-tawhid. C'est donc la chose la plus importante. Dans le verset, il y a l'explication du tawhid avec ses deux parties. Quelles sont ces deux parties? Naam. L'affirmation et la négation. Jazakallahu khayran. Et ce que nous avons dit pour le verset passé est valable pour ce verset. مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Parmi les choses que nous pouvons tirer de ce verset, وُجُوب إِفْرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَ. L'obligation d'unifier Allah de par le culte. وَأَنَّهُ أَكَدُ الْوَاجِبَاتِ. C'est l'ordre le plus important. نَسْتَفِيد تَحْرِيم الشِّرْك. L'interdiction du polythéisme sous toutes ses formes. وَأَنَّهُ أَشَدُ الْمُحَرَّمَاتِ. Et que c'est le pire péché que la personne puisse commettre. نستفيد في هذه الآية فائدة مهمة جدا. ما هي؟ أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة والتوحيد. انتبه. اجتناب الشرك شرط في صحة التوحيد وقبول العبادة. Une grande information qu'on tire de ce verset. Sois attentif. De ce verset, on tire que de s'éloigner et de se purifier du polythéisme est une condition pour que ton adoration soit acceptée chez Allah. Et pour concrétiser l'unicité d'Allah. En d'autres termes, celui qui adore Allah, mais adore avec Allah autre que lui, n'aura pas adoré Allah. Ne sera pas considéré comme quelqu'un qui adore Allah. Comme on peut le comprendre dans Sourate Al-Kafiroun. Donc celui qui adore Allah, mais ne s'éloigne pas du shirk, Allah n'acceptera pas son adoration. Allah n'acceptera pas son adoration. هناك اختلاف في ترتيب الآيات حسب نسخ كتاب التوحيد. Il y a une différence d'ordre des versets selon l'impression du livre Kitab Tawhid. Dans certaines éditions, on trouve que le verset que nous venons de lire, le verset de Sourate An-Nisa, est le quatrième verset cité par l'auteur. Et dans d'autres, on trouve que c'est le cinquième. Puis on a inversé. والأمر سهل. Il n'y a pas de grande différence dans cela. Même si on pourrait comprendre en lisant dans les Masa'il que l'auteur avait mis l'autre ordre, pas celui que nous avons ici. Wallahu a'lam. Rappelez-moi avant la fin du cours, de dire les maradi'a. Cette explication est tirée de plusieurs livres. Rappelez-moi de vous les citer. Le verset suivant, وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. Dans le verset passé, il fallait dire à la fin Al-Aya. Allah dit, dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. Jusqu'à sa parole et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. الآية ou bien الآيات, c'est un mot qu'on peut trouver dans bon nombre de livres de savants. Al ayata ou il ayati ou il ayati, c'est-à-dire il a akhiril ayat, il a akhiril ayati, cela signifie jusqu'à la fin du verset. Donc l'auteur cite une partie du verset dans laquelle il y a la partie dont nous avons besoin ici, puis il écrit Al-Aya, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Jusqu'à la fin du verset. Ou bien Al-Ayata, ay akmilil ayata. Complète le verset, finit le verset. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens et ceux qui ont innové dans la religion d'Allah azza wa jal en vouant une adoration à autre que lui et en rendant licite certains bestiaux et illicite d'autres. Allah azza wa jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler ces gens et de leur dire venez, je vais moi vous enseigner ce qu'Allah Azza wa Jalla a réellement interdit. Quelle est cette chose qu'Allah Azza wa Jalla a réellement interdit? Ash-shirk. Ash-shirku billah. Qul ta'alaw atlu ay aqussu alaykum wa ukhbirukum ma huna mawsula ma harrama rabbukum. ولم يقل الله لأن الرب مناسب هنا إذ الرب له مطلق التصرف وله أن يأمر وينهى عباده ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نفي وإثبات هذا هو التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala donc dans ce verset nous ordonne, et ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les associateurs et de les appeler à adorer Allah azza wa jal seul d'un culte sincère. Ce verset, ce passage contient 10 recommandations. 10 recommandations les unes après les autres. عشرة وصايا أو عشر وصايا. C'est pour ça qu'on surnomme ce verset آية الحقوق الوصايا العشر. Le verset des 10 recommandations. À ne pas confondre avec le verset des droits. La première recommandation, An-nahyu an ash-shirk, l'interdiction du polythéisme. La deuxième recommandation, al-ihsan ila al-walidayn, la bienfaisance envers les parents. La troisième recommandation, l'interdiction de tuer nos enfants. Min imlaq, de par la pauvreté. Ay khashiyatul faqr. Lianna Allah wa razzaq. Car Allah est le pourvoyeur. Et on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par le droit de la base, les parents, et a fait suivre cela par le droit de la branche, les enfants. Et ici, une subtilité qu'a cité le grand savant Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est que un autre verset a été cité dans le Coran, avec le même contexte. Mais, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Nahnu narzuqukum » C'est nous qui vous donnons votre subsistance. Et dans l'autre verset, « Nahnu narzuquhum » C'est nous qui leur donnons leur subsistance, c'est-à-dire aux enfants. Quelle est la sagesse d'avoir fait cette différence ? Man yujib ala su'al. Qu'est-ce qui répond à la question ? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est nous qui vous donnons votre subsistance, ces gens-là sont pauvres. Alors Allah azza wa jalla les tranquillise et leur rappelle que c'est Allah qui leur donne leur subsistance. Dans l'autre verset, ils ne sont pas pauvres, mais ils ont peur qu'en ayant des enfants, ils goûteront à la pauvreté. Alors Allah leur dit, c'est nous qui leur donnons leur subsistance. Wadah. Pour ceux qui sont arrivés en cours, il y a des livres ici. Et c'est pas moi qu'il faut remercier, mais c'est ceux qui ont dépensé pour les livres. Des hommes, des femmes. Et si vous ne savez pas qui ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et on demande à Allah azza wa jalla de leur accorder la plus grande récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. De leur permettre de concrétiser le tawhid et de leur accorder une descendance pieuse qui eux aussi concrétiseront le tawhid et qui seront des prêcheurs au tawhid. Donc dans un verset nahnu narzuqukum et dans l'autre donc nahnu narzuqukum wa iyyahum, on a commencé par les parents et on a fait suivre cela par les enfants. Et dans l'autre verset, le contraire. Donc la sagesse est que dans une des situations, ils sont déjà pauvres. Et dans l'autre, ils ont peur de la pauvreté de par les enfants qu'ils auront. La quatrième, c'est ça ? La quatrième recommandation, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ne vous approchez pas des turpitudes. ما ظهر منها أي الظاهرة وما بطن أي الخفية. Donc qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne ou bien nous interdit de nous en approcher. Il nous a pas juste dit délaissez, mais éloignez-vous, ne vous en approchez pas. C'est-à-dire que tu dois, en plus de ne pas commettre le péché, tu dois t'éloigner de toutes les causes pouvant mener à ce péché, afin d'être parfaitement préservé par la grâce, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième recommandation, l'interdiction, c'est l'ordre de l'adhan. Donc la cinquième recommandation, l'interdiction du meurtre. L'interdiction du meurtre. La sixième recommandation, l'interdiction de se rapprocher du bien ou de spolier le bien des orphelins. L'orphelin, c'est celui chez les fils d'Adam qui a perdu son père avant la puberté. L'orphelin, chez les humains, dans l'islam, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. La septième recommandation, donner la juste mesure et le bon poids. Donc ça, c'est dans le commerce. Donc, d'agir avec justice lorsqu'on prend et lorsqu'on donne, autant que possible. La huitième recommandation, إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. La neuvième recommandation, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et remplissez vos engagements envers Allah. Certains ont dit, cette tawhid, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit, c'est les recommandations d'Allah. أَوْفُوا أَيْ قُومُوا بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ وَتُرُكُوا مَا نَهَا. Donc faites ce qu'Allah Azza wa Jal vous a ordonné et délaissez ce qu'il vous a interdit. Et la dixième, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Le fait de suivre le chemin droit dans toute sa rectitude. Et on a appelé ce verset le verset des 10 recommandations, car à la fin Allah Azza wa Jal dit: ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Voici ce qu'Allah vous enjoint, vous recommande, afin que vous vous rappeliez. Je lis le passage. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Lorsque j'ai traduit juste avant, j'ai dit peut-être que vous vous rappeliez, c'est le passage du milieu. Peut-être que vous, Mada, le craindrez. Naam. Donc, trois fois dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que c'est une recommandation. Avec le premier point, on nous dit peut-être comprendrez-vous. Ensuite, peut-être vous rappellerez-vous. Ensuite, peut-être attendrez-vous la piété. Car celui qui prend ces recommandations, qui les médite, il va se souvenir. Ou bien il va comprendre, il va se souvenir, il va s'en rappeler, et donc il pourra atteindre la piété. Et donc il pourra atteindre la piété. Voici les 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Munasabatu al-aya lil-bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre? Car dans ce verset, on a cité 10 recommandations. Et la première recommandation est l'interdiction d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Et cela entraîne forcément at-tawhid. Cela entraîne forcément at-tawhid. Car celui qui n'associe rien à Allah, mais qui n'adore pas Allah, ne sera pas sauvé, bien évidemment. Donc, l'explication est basée sur le livre de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, l'explication de Kitab Al-Tawhid, Ba'i'anatul Mustafid, Al-Mulakhas, l'autre, donc le résumé. Deuxièmement, le Sharh d'Ibn Uthaymeen, Qawl Al-Mufid. Troisièmement, Al-Tamhid de Cheikh Salah Al-Sheikh. Puis, l'explication de Cheikh Salih Al-Sindi, Saint Cheikh de Médine, Hafidhahullah Ta'ala. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa zidna ilma. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahina 'ala at-tauhid. Allahumma ahina 'ala at-tauhid wa akhtam lana bit-tauhid. والحمد لله الذي بتتم الصالحات سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك